Le Seigneur Sauveur, sauveur, sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va commencer maintenant. On va commencer prions. Prions. Prions. Ouvrons notre bouche. Remercions le Seigneur pour ses hauts faits. Bonjour à Casablanca. Bonjour. Bonjour à Casablanca. Bonjour. Que Dieu notre Père vous bénisse. Amen. Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as désir, tu as voulu, ô Dieu de gloire, nous choisir aujourd'hui parmi les vivants. Père, ce jour est également un jour destiné par toi pour ta gloire dans notre vie. Tu as renouvelé, ô Dieu, le souffle de notre cœur. Et tu as préservé, Père de gloire, toute la nuit de notre sommeil. Et tu as préservé contre les attaques de l'ennemi. Nous sommes debout par ta grâce. Nous nous réunissons ici maintenant par ta grâce, Père. Et nous nous soumettons entre tes mains. Nous soumettons notre pensée, notre cœur, notre âme entre tes mains. Parce que c'est toi notre Créateur. C'est toi qui as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nos péchés. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes grandeurs, pour ta grandeur dans notre vie, pour tes hauts faits et pour tout ce que tu as programmé fait dans nos vies. Très souvent, nous marchons, Père de gloire, en boitant, ne sachant pas comment nous marcher, mais toi, tu nous guides. Tu veilles sur nous parce que tu nous aimes. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous et pour tout ce que tu fais maintenant, pour tout ce que tu continueras à faire. Nous soumettons ces moments entre tes mains, Père, de partage entre tes mains. Puisse ton esprit nous conduire et que ce soit seulement pour ta gloire. Pour ta gloire, selon le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis à votre disposition. On commence par où? Avant que vous ne, pendant que vous cherchez votre Bible, je vous chante un cantique. Vous comprenez bien le cantique, n'est-ce pas? Ça dit, non jamais je n'irai dans le monde, car il n'y a que de la misère. Le péché est tellement immonde, pourquoi vouloir la mort pour salaire? Craindre Dieu, c'est là qu'est ma devise. Elle donne joie et paix. Tout d'abord, dans ma vie ici-bas, puis quand j'aurai atteint l'autre rive, Ésaü avait le droit d'aînesse, mais nous savons qu'il le méprisa. Fatigué, revenant de la chasse, pour des lentilles, il vendit son droit. C'est Jacob qui fut alors béni, malgré qu'Ésaü pleura. Mais il n'est plus que voir sa folie, d'avoir tout perdu pour un repas. C'est Jacob, c'est Jacob qui fut alors béni, malgré qu'Ésaü pleura. Mais il ne put que voir sa folie d'avoir tout perdu pour un repas. Amen. Donc, comme on avance pour avec le Seigneur, c'est devant, on ne rentre plus en arrière. Amen. Amen. Je suis à votre service. Vous avez le même téléphone là, c'est ça? Tout le c'est le même téléphone là. Ou bien? La même chose, ma cause. Moi, frère, je voulais juste que tu. Écoutez, là, il faut que pas le soeur puisse écouter. Ouais. Comme ils ont enregistré, comme ça, ils puissent prendre. Si tu nous expliques un peu, oui. Moi le petit tutoriel parce que... Non, non, comment mon frère? Comment tu peux dire mon frère? Est-ce qu'on vous voit les frères? Ok, d'accord. Mm-hmm. En fait, je voulais juste savoir parce qu'aujourd'hui, on voit tellement de choses qui se passent sur le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Je voulais savoir réellement qui devons-nous adorer. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a remplacé le Seigneur par des hommes, oui. Pas des monuments qu'aujourd'hui, oui. Ils se mettent plus devant et le Seigneur vient en second. Oui. Je ne sais pas si dans la Bible, il y a les versets qui pourront nous expliquer clairement, oui. Qui devons-nous adorer, oui. Qu'on puisse comprendre et comment un véritable chrétien, oui. Doit adorer le Seigneur. Amen. Autre question, je prends les questions, trois questions comme ça, on va répondre au fur et à mesure. Là, tu viens de parler de l'adoration du Seigneur par rapport à l'homme. Comme les gens suivent les hommes, on suit les hommes de Dieu aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on se remet totalement, n'est-ce pas? Question. Il y a une deuxième encore. Il y en a plusieurs. Pose les questions comme ça, on va prendre au fur et à mesure. Peut-être on peut les jumeler en répondant. Et souvenez-vous que toute question biblique doit avoir une réponse biblique. Toute question d'ordre biblique doit avoir une réponse biblique. Ton histoire, ça a des coachs, la face a du mal. Hein. Voilà, on te voit comment elle a donné la restriction. Oui, hier, comme on n'avait pas fini, oui. J'ai parlé du psaume 11. 11, verset 3. Verset 3. Dans les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Oui. Parce que je veux vraiment un enseignement par rapport à ça. Oui. Parce que quand les fondements sont brisés, que fera le juste? Le juste que fera-t-il? Bonne question. Parce que c'est très très important. Parce que le problème se pose sur le fondement, sur la base. Oui. Parce que c'est ça d'abord. Parce que si tu n'as pas un bon fondement, ton fondement n'est pas basé sur Jésus, tu ne peux pas avancer avec le Seigneur. Voilà. Donc, je veux vraiment un enseignement par rapport à ça. Voilà. À ce fondement. Donc, on s'est dit qu'il faut qu'on passe, on commence vers le nouveau. Question par ici. Moi, ma question, c'est... quand j'ai lu dans le livre de Actes des Apôtres, oui. J'ai vu un peu l'organisation de l'ancienne église. Oui. La façon dont ils étaient ensemble, ils étaient sincères les uns envers les autres. Oui. Il n'y avait pas de sournoiserie parmi eux. En fait, quand je lis la Bible, c'est ce que je comprends. Oui. Je vois, c'est-à-dire la transparence. Le salaire de l'un était pour tout le monde. Tout le monde se réunissait, partageait les trucs entre eux. Oui. Le problème de l'un était le problème de l'autre. Oui. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'au milieu de nous, les chrétiens, le problème de l'un n'est pas le problème de l'autre. Chacun vit sa vie comme il veut. On a peur même de rendre service à une personne parce que tu te dis que quand tu rends le service à la personne, après la personne se retourne contre toi. Hein? Je veux dire que par exemple, moi je prends un exemple sur ma grande soeur qui est une soeur en Christ que je ne connais pas, par exemple, et que moi je suis dans une situation où elle me vient en aide, oui. Et du coup après je me retourne contre elle alors que je dis que je suis chrétienne. Oui. Je veux dire que en fait c'est des trucs qu'on constate. Bon, quand tu as constaté, tu vois que le problème vient d'où? Voilà, en fait je veux savoir comment est-ce que nous les chrétiens d'aujourd'hui on doit faire. Est-ce qu'on est réellement, on a réellement cette vie de fraternité, de communauté? Bonne question. Voilà, par rapport à la vie des chrétiens, de l'église, oui. De la parole du Seigneur. Oui. Est-ce qu'on doit revenir à notre ancienne, à l'ancienne pratique okay. par rapport à la vie de Dieu? Et je veux aussi savoir, c'est dans la même optique. Est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose au départ? Est-ce qu'on ne s'est pas... comment le dire? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? On a quitté voilà. le fondement. Ou est-ce que nous-mêmes, est-ce que nous sommes, je dis nous tous, est-ce qu'on connaît réellement Dieu? Bonne question. Parce que je pense que la Bible dit qu'on connaît, on ne reconnaîtra pas leurs fruits. Oui. Quand Dieu dit fruit, ça veut dire fruit. Oui. Ça ne veut pas dire autre chose. Donc, si on est enfant de Dieu, qu'on ne manifeste pas les fruits, oui. est-ce qu'on peut réellement dire qu'on est enfant de Dieu? On y va maintenant, n'est-ce pas? Dans les deux questions se sont liées. Et en filigrane, ça touche maintenant ceci. On va commencer par le commencement. On commence par le psaume 11 parce que ça voit ceci. D'accord? Le psaume 11 pose une question. Et cette question-là, il n'a pas répondu. Alors, c'est le psaume 11, verset 3, justement. Merci, Père, que Dieu ajoute vraiment les bénédictions à sa parole maintenant. D'accord? Ça, on va toucher les fondements. Dans le psaume 11, le verset 3, qu'est-ce que ça dit, mon cher? Il pose une question. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Que peut faire le juste? Donc la question est posée, mais il ne répond pas. Mais alors, voyons maintenant un style de ces mêmes préoccupations dans la Bible, toujours dans les psaumes. Comment? Ta Bible est où? Il a toutes les versions là. Comme ça, quand il lit ici, il ne comprend pas, il lit de l'autre côté. Voilà, c'est bon. Maintenant, allons dans le psaume 119. 119 maintenant. Psaume 119. Vous y êtes. Le verset 9 dit quoi? Il dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Oui. Et se conformant à la parole. Oui. Non, non, regarde bien ce que la façon que c'est écrit. Allons-y. C'est pas et, c'est un. En se conformant à la parole. Voilà. Donc. Il y a une question qui est posée et la réponse est donnée. Vous voyez la façon qu'il dit, n'est-ce pas? Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Non. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est-à-dire comment l'homme est censé marcher devant Dieu et être pur? Il dit, la solution, c'est en marchant d'après sa parole. Je vais vous montrer que dans ce verset, il a posé une question, il a répondu à la question. Vous voyez? Comment, c'est-à-dire si quelqu'un se pose la question... Comment est-ce que je dois marcher devant Dieu? Il dit, la seule façon, c'est marcher d'après sa parole. La Genèse 119 dit, verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Ça veut dire que pour que quelqu'un soit éclairé en marchant, comme Dieu veut, il a donné la parole comme boussole, comme thermomètre pour pouvoir savoir si oui ou non tu es en règle avec lui. N'est-ce pas? Mais ce qui veut attirer l'attention, c'est qu'on a posé une question, on a répondu. Mais dans le psaume 11, on a posé la question, on n'a pas répondu. Vous avez vu cela? Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? On va aller sur ce principe-là, on va aller dans l'Ancien Testament, voir un principe avant de toucher le Nouveau Testament. Vous avez moi? Est-ce que le problème que nous avons, c'est le fondement? C'est le fondement, effectivement. Vous voulez quoi là? Le stylo, je vous ai donné un stylo aujourd'hui, non? Voilà le stylo, le bic ici. Je peux y aller maintenant? Ok. Je vais parler... Comme les questions sont bonnes et profondes, je vais donner les références bibliques et citer ce qu'il en est là-bas. Ça ne va pas, il raconte les histoires qui s'y trouvent là maintenant. Prenez le livre de un roi, notez un roi chapitre 16. Dans un roi chapitre 16. En fait, c'est le problème du fondement, c'est le problème de la Bible. Fondement veut dire commencement, le début. Ce qui a été initialement placé. Ce qui devrait être la norme, ce qui devrait être la règle. C'est ça le fondement. Par exemple, dans cette maison-ci, le jour qu'on entre dans cette maison-ci, on peut décider que, ok, désormais, que, comme cette maison-ci, nous sommes dans un foyer, quelqu'un n'entre pas ici à plus de 22 heures. Vous vivez 10 ans, 11 ans, et puis un de ces jours, une certaine visitation commence à avoir, et les gens vivent maintenant, à partir, les autres entrent à 2 heures, 3 heures, comme ils se veulent. Et là, ça crée le désordre. Après là, vous regardez, mais quel est le vrai problème de ces maisons? Et puis dans la méditation, vous voyez qu'en fait, vous avez quitté le fondement. Car initialement, vous aviez décidé que en fait, les gens ne devaient pas entrer ici à plus de 22 heures. Vous êtes éloigné de ce fondement au point où il y a un laisser-aller. Où chacun fait comme il veut. Vous voyez? Chacun fait maintenant comme il veut. Gardez bien le mot là, chacun fait comme il veut, parce qu'on va retrouver ces mots là dans la Bible maintenant. Alors, Dieu maintenant, écoutons plus attentivement. Lorsque le Seigneur crée le ciel et la terre, il a placé chaque chose selon son principe à lui. Et quand il met ces principes-là, il dit que rien ne doit bouger. Dans Ecclésiaste chapitre 3, la Bible déclare que ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Qu'il a fait des choses, il a mis comme ça, pour que ce qui est courbé ne soit pas redressé, pour qu'on ne puisse y ajouter rien de nouveau. On ne doit rien à retrancher, on ne doit rien retrancher. Vous me suivez? Quand Dieu a fait ces choses-là, il a choisi un peuple, je vais vraiment aller vite, il a choisi un peuple Israël, à qui il a donné la loi, ce qu'on appelle la Torah. Quand il a donné la Torah, il a mis le principe, principe de fondation déjà. Lisons Deutéronome chapitre 4. Il dit noter un roi, parce qu'on va y revenir, je vais revenir dans une histoire. Regardez, donc comme vous avez, 1 roi chapitre 16. Ok. Regardez. Notez un roi, n'est-ce pas? Les chapitres 16, 17 et 18, parce qu'ils vont expliquer ce qui est là-bas. Ils vont aller au verset concernant Deutéronome. Deutéronome chapitre 4. Si vous y êtes, je vous donne le verset. Deutéronome chapitre 4, les trois premiers versets. Deutéronome chapitre 4, les trois premiers versets. Oui, qu'est-ce que ça dit? Deutéronome, le temps que vous trouvez, Deutéronome. The book of Deutéronomy, chapter 4. Non, j'ai dit vous notez 1 roi, chapitre 16, 17, 18. D'accord? Tout le monde va y revenir. Parce que je vais dire que c'est une version, on va lire, c'est un verset expliqué. Parce que comme c'est long, je vais expliquer l'histoire qui est là-bas. On va directement sur le verset. Vous allez voir ces principes de fondement chaque fois. Parce que le but pour nous, c'est de répondre à la question qui est écrite dans Psaume 11, verset 3. Il faut qu'on parte voir la façon que chaque fois que le fondement est bougé, ce qu'il faut faire. Et puis on va retoucher ça dans le Nouveau Testament. D'accord? Et on va toucher donc ce qui en est par rapport à ça. Parce que c'est juste à poser ta question à toi par rapport à l'amour, la vie chrétienne. Et juste à poser à là. Maintenant, Deutéronome chapitre 4, verset 1 à 3, qu'est-ce que ça dit? Maintenant, Israël. Oui. Oui. Je vais lire le lait parce qu'elle ne va pas être là. Oui. Maintenant, Israël. Écoute les voix. Bon, ça va y aller. À ce rythme-là, 17 va nous trouver ici. Oui. Que je vous enseigne. Oui. Mettez-les en pratique. Afin que. Vous viviez et que vous entrez en possession du pays que je vous donne. Que vous donne l'Éternel. Que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Verset 2, on va s'arrêter au verset 2, allons-y. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit. Oui. Et que vous n'en ajouterez rien. Oui. Retrancherez rien. Oui. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Tel que je vous les ai prescrits. Donc soulignez, tel que je vous les ai prescrits. C'est très important. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Donc, lorsque Dieu donne la loi à Israël, il précise que écoute Israël. Il dit que prêtez attention. Voici ce que j'attends de vous. À cet instant-là, ça fait principe de la fondation. La fondation avec Dieu, entre Dieu et Israël, c'est que Israël est censé marcher comme lui, il veut. Et il dit, tel que je vous les ai prescrits. Dieu veut dire, ce que je veux de vous, c'est déjà prescrit, c'est écrit. Dans Proverbe chapitre 22, le verset 17 à 22, la Bible déclare que, n'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit tout ce qui est nécessaire pour toi, afin que tu puisses savoir comment répondre à celui qui t'envoie. Les énigmes, pour te pousser à réflexion. C'est ce qui est écrit dans Proverbe chapitre 22, le verset 17 à 22. Alors, Dieu a déjà mis par écrit. Donc, il n'y a rien à ajouter. Il n'y a pas quoi que ce soit qu'on peut connaître de Dieu en dehors de la Bible. Il n'y en a pas. Tout est écrit. Tout ce que vous allez savoir dans toutes les générations, c'est confiné là-dedans. Alors, maintenant, pour ce que Dieu voulait pour Israël, il leur avait donné 5 livres à ce moment-là. Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre et Lévitique. Quand il les a donné cela, il dit que je t'ai mis pour... Ça veut dire que ce que Israël devait faire était contenu là-dedans, sur les 5 livres. Maintenant, nous avons 66. Ça ne nous laisse pas. Donc, ça veut dire que les choses sont encore plus détaillées. Ils avaient 5 seulement, 5 rouleaux qu'ils devaient lire chaque fois, observer, agiter la gerbe à gauche et à droite prendre le sang, mettre sur les cornes de l'autel des parfums, d'acheter la gerbe, porter la tia d'Aaron. Tout ça était écrit et confiné. Il devait faire comme ça. Quelqu'un ne devait pas venir pour dire que non. Pourquoi il faut agiter à gauche avant d'agiter à droite? On peut avancer. Hein? Alors, le chapitre 4 nous dit dans son dernier verset, verset 2, qu'on doit, ils ont obéi au commandement tel qu'il les a prescrits. Donc, ça veut dire, si quelqu'un obéit autrement, il n'est pas en train d'obéir à ce que Dieu a fait, n'est-ce pas, ce que Dieu a prescrit. Dieu s'attend à ce que les commandements soient faits. Si c'est écrit, tu dois faire comme il a dit. Quelqu'un ne peut pas venir dire que non. Pourquoi Dieu dit que, il dit dans la loi, qu'on se repose le septième jour. Moi, je vais me reposer, moi, le troisième jour. Comme ça, le septième jour, j'ai le projet à faire. Donc, c'était à eux de s'arrimer au plan de Dieu. C'était à eux de s'arrimer au jour de Dieu. Ce n'est pas à Dieu qui doit s'adapter. On se comprend, n'est-ce pas? Donc, c'était à nous. C'est à nous de nous adapter au fondement que Dieu a prescrit lui-même. Israël n'avait pas de discussion. Dieu donnait des ordres. Il devait obéir. Et toute personne qui quittait cet ordre-là était désobéissante. Était considérée comme rebelle parce qu'il ne respectait pas Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, voilà comment Israël devrait marcher. Si Israël marche comme ça, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est son Dieu, le Dieu d'alliance, il les protège et il veille sur eux. S'il quitte ses fondations, il y a des conséquences. Chapitre 28. Détournons-nous sans en détournons. Chapitre 28. On y va? Ok, maintenant, je vais lire à partir du verset 1. Je vais lire quelques mots parce que c'est plus loin là-dedans. Après, on va voir. Donc, notez seulement Deutéronome chapitre 28. Vous avez le temps de lire. Je suis encore avec Israël. Dieu donne la loi au chapitre 4, verset 1 et 2. Il dit que vous devez veiller à obéir tel que je vous ai donné. Maintenant, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera de la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vous avez entendu? Donc, il y a une série de bénédictions ici jusqu'au verset 13 où il dit, je ferai de toi la tête et non la queue. Où les pentecôtistes ont pris en disant, je suis la tête et non la queue. Dieu n'a jamais dit que quelqu'un a la tête et la queue. Non, la queue. C'est ça. Oui. Donc, quand tu entends quelqu'un dire, je suis la tête et non la queue. Bien aimé, confesse que je suis la tête et non la queue. Il n'y a écrit nulle part comme ça. Parce que c'est conditionné pour Israël. C'est dit, c'est au verset 13 que c'est écrit ici, dans ces choses-là. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel en mettant en pratique tous ses commandements, tu auras la supériorité sur toutes les nations de la terre. Oui. Je te coupe pas la parole. Oui. Vraiment, ce passage à Deutéronome 28, ça pose beaucoup de problèmes. Oui. Dans les assemblées. Oui. Est-ce que vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Oui. Par rapport à tout ça. Sur ce passage de prière. Est-ce que ce passage pose beaucoup de problèmes? Oui. Est-ce que le problème de proclamation, de déclaration de la parole, là, vraiment, ça n'entre plus dans ma tête? Non, en fait, ce n'est pas biblique. C'est pas biblique, suis attentivement. Il y a un enseignement pour cela que j'ai fait depuis des années, ça se trouve Bamba Iba. La confession de la foi est une bêtise. Confession de la foi, tu es la tête et non la queue. Je possède tout, je suis le prince, je suis enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même a marché, il n'a jamais haussé sa tête quelque part. Bien plus, d'abord, ce n'est pas biblique. C'est pour ça qu'on va aller doucement. C'est pour ça que je suis allé avec Isaac pour qu'on voit ce qu'il en est avant de toucher maintenant le truc. Vous voyez, le pasteur prend le micro aujourd'hui. Il dit que lève-toi, proclame que tu es enfant de Dieu. Tu as vu un canard passer quelque part, dit que je suis canard? Non, jamais. Tu as vu ça, frère? Un poisson dit que je suis poisson. Le tigre dit que je suis le tigre, je suis fort. Même la lumière. Quand pour allumer, je fais comme ça. Vous dites, vous faites comme ça. La lumière s'allume. Vous faites comme ça, ça s'éteint. Il y a un principe. Donc quand tu appuies sur on, ça s'allume. Tu appuies sur off, ça s'éteint. La lumière ne dit jamais que je brille. Je brille. Je lui ai dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, c'est un état. Que votre lumière brille. Ça doit briller. Votre lumière doit briller pour éclairer, pour que les hommes voient. Donc, les hommes doivent voir. Maintenant, un chrétien confesse. Je suis la lumière du monde. Il vit dans la prostitution comme le crémon non-chrétien. Un pasteur dit comme ça, il vit dans la sorcellerie comme les sorciers. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas la confession qui amène ces choses-ci. C'est la nature et la vie. Puisque à Antioche, au chapitre 11 des Actes des Apôtres, on dit que c'est à Antioche que pour la première fois, la disciple fut appelée chrétienne. Parce qu'on a vu, les autres de l'extérieur ont vu la façon que les disciples se comportaient. Ils ont dit, oh, celui-ci, ils ont marché avec eux, ce sont des chrétiens ici. C'est pas, ils ne sont pas marchés par envie de dire que, regardez, nous suivons Christ, je suis chrétien, nous sommes nés de nouveau. Aïe, un bon égay, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. C'est pas ça. Israël devait marcher comme Dieu veut. Alors, cette série de bénédictions, Dieu n'a pas demandé qu'il confesse pour posséder. Il a dit, le rôle pour que les bénédictions viennent automatiquement, c'est que tu obéis à la voix de l'Éternel en gardant ses commandements. Tu veilles sur sa parole. Vous voyez accomplir sa parole. Alors, lui, il s'engage de son côté que si votre condition est respectée, lui respecte ses parts. Les bénédictions vont venir. Alors, nous continuons verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Une fille vit dans la prostitution. Une fille vit avec le petit ami. Après, vient, elle se dit, oh Seigneur, tu as dit, il sera la terre et non la queue. C'est ce que tu as dit ici. Donc, ce sont des bénédictions conditionnées. Quand tu obéis, automatiquement, c'est pour toi. Dieu dit que ça sera pour toi. Maintenant, on arrive au verset 13, au verset 12. Verset 12 dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor du ciel. On voit effectivement qu'il y a des bons trésors réservés pour ceux qui sont obéissants. On va voir tout cela dans le Nouveau Testament. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Non, normalement, si quelqu'un vit dans l'obéissance, il ne doit pas vivre dans les dettes. Voilà. Verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Vous aurez remarqué très bien que ce n'est pas la personne qui est tête. On dit que l'Éternel fera de toi, à condition que tu obéis. Il fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu. Quand que ceci arrivera, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu. Donc nous allons comment? Nous allons, au fur et à mesure, pendant qu'on va avancer, on va corriger les fondements. On va corriger les fondements. Tout ce qui est entré. Mais il va falloir aussi qu'on comprenne comment c'est entré. Maintenant, la Bible déclare, verset 14 dit, et que tu ne te détourneras ni à droite. Je vais vérifier bien ce mot-ci. Verset 14 dit que, et tu ne te détourneras, lorsque tu observeras et mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche, tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Donc Dieu s'attendait, comme on a vu au chapitre 4, verset 1 et 2, que tu les accords, que l'Israël les obéisse tel qu'il les a prescrits. Donc on n'y ajoute rien, on n'y retranche rien. Il dit, si la condition est respectée, voilà la bénédiction qu'il retrouve. Mais à partir du verset 15, il va dire le contraire de cela. Le contraire de la bénédiction, c'est quoi? Malédiction. Donc, verset 15 introduit donc les malédictions au cas où il y a le non-respect. Donc, en réalité, l'être humain est soit maudit, soit béni. Si tu obéis, tu es dans l'obéissance, Dieu, tu es sous la bénédiction de Dieu, sous sa couverture, sous sa protection. Maintenant, verset 15 dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Vous avez vu? Donc, la malédiction, quelqu'un ne confesse pas en disant que la malédiction vient sur moi pour ça vient. C'est automatique. Tu n'obéis pas, la malédiction est collée à toi. Voilà comment Israël marchait. Vous y avez moi? Et Dieu a dit en finissant le verset 14 que si tu, il ne faut pas que tu obéisses, que tu, si tu m'obéis en allant vers d'autres dieux. Et c'est ce qui va se passer dans 1 Roi chapitre 16 que je vous ai donné. Dans 1 chapitre 16, il y a un roi au pays d'Israël qu'on appelle Akab qui va épouser une femme qu'on appelle Jézabel. Israël va passer dans une dégringolade de la période la plus sombre de son histoire à cause de cette femme-là, Jézabel. Jézabel. Elle a pris les commandes. La Bible déclare que son père lui-même était un sorcier. Elle est une sorcière. Elle est venue là envoûter tout le pays au point où, quand son mari ne pouvait pas prendre le roi, c'est elle qui prend les décrets et c'est elle qui écrivait. Elle tuait les gens pour prendre les possessions. Effrayait les gens avec le rouge à lèvres. Mais non, c'est vrai. J'arrive, c'est pour ça que j'ai pris là-bas. Au point d'effrayer un prophète qui commandait le ciel, le feu sortait du ciel. Donc cette femme avait une puissance terrible. Elle a fini par lui couper la tête. Donc, alors maintenant, elle va épouser Akab et elle va faire l'état enceinte parce que son père était prince, était le roi de Sidon. Elle va faire l'état enceinte que tous les dieux de ce pays-là seront construits désormais en Israël. Le territoire Israël qui était dévoué au Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Jacob, là se trouvait dans les hauts lieux où on devait bâtir pour servir d'autres dieux. En désobéissant à ce que Dieu avait dit. Conséquence, Dieu va jeter la famine pendant 3 ans et demi. Et puis à l'issue de cela, sa miséricorde va encore se manifester. Il va envoyer le prophète que va, je vais faire descendre la pluie. D'accord? Allons donc à la pluie. Avant que la pluie descende, la confrontation dans 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Donc je vous ai demandé de noter chapitre 16. 17, 18. Donc, j'ai expliqué l'histoire de façon brève pour qu'on aille exactement là où elle en est. Nous parlons des fondements. D'accord? Parce que la question, c'est quand les fondements sont renversés, le juste que fera, que fera-t-il? Ça doit se répondre là. 1 Roi, chapitre 18. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. C'est 13h, c'est l'heure de la prière ici à Casablanca. On y va. Voilà, 1 Roi chapitre 18. Verset 1 dit, il veut le noter seulement parce qu'il veut lire et sortir pour aller quelque part. 1 Roi chapitre 18, verset 1 dit, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la troisième année, va, présente-toi devant Acab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Donc Dieu a dit désormais, va maintenant, il va changer la situation. Mais maintenant, il doit avoir la confrontation. C'est à la confrontation qu'on va voir. Verset 2. Et Élie alla pour se présenter devant Acab. La famille était grande à Samarie. Et Acab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, elle avait dit dans le pays que regroupez-moi tous ceux qui servent le Dieu d'Israël, les prophètes qui parlent de sa part. On les a coupés la tête, tués. Une femme. Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Acab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe. Vous y avez moi. Et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Il s'est partagé le pays pour le parcourir. Acab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit, c'est moi. Va dire à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Acab qui me fera mourir ?» Il se disait que il a rencontré Élie. Ils sont partagés au pays que va le chercher au sud pendant qu'il va au nord. Pendant qu'il partait au sud, Abdias l'a rencontré. Il a dit, Élie, c'est toi. Il dit, oui. Et lui, il dit, va dire à ton roi, là, à Cap, que j'arrive. Il dit, mon ami, tu veux me tuer? Parce que s'il vient là-bas, il lui dit, le roi va dire que tu l'as vu, tu l'as laissé. Il fallait l'attraper pour venir ici. Parce qu'il savait que c'est la parole d'Élie qui a amené la famille sur la terre comme ça. Alors, qu'est-ce que la Bible déclare? Le verset 10. L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Donc, on avait mis wanted. Le prix d'Élie, la tête d'Élie était mise à prix. Il a demandé au roi que si vous voyez Élie passer dans votre nation, attrapez-le, moi, et me renvoyez. Donc c'est Dieu qui le préservait. Allons rapidement, quand ils vont venir maintenant, verset 16. Verset 16. Abdias, étant allé à la rencontre d'Acab, l'informa de la chose et Acab se rendit au devant d'Élie. À peine Acab aperçut-il Élie, qui lui dit, écoutez, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? C'est le roi qui dit à Élie comme ça. Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque, écoutez bien, c'est là où nous sommes, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals, dont le fondement a été renversé. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? J'espère que vous comprenez jusque là. Le fondement était quoi? Deutéronome chapitre 4, verset 1 et 2 avait dit, la loi que je vous prescris aujourd'hui, veillez à observer telle que je vous ai prescrit. Et au verset 14, la dernière partie du verset 14 du chapitre 28, nous avons lu, on a dit que les bénédictions resteront sur Israël tant qu'ils ne vont pas vers d'autres dieux. Et ici, on voit clairement qu'ils ont non seulement désobéi au commandement de Dieu, ils sont allés jusqu'à vers les autres dieux qu'on appelle Baal. Or, il est comme ça dans ces mauvais fondements, sans s'en rendre compte que c'est ça qui est à l'intérieur. Voici la chose qui est plus grave. Donc, Acab cherche Élie pour le tuer en disant que c'est lui qui est le problème. C'est lui qui jette le trouble en Israël. Et lui rappelle que non, c'est toi et la maison de ton père qui avaient fait ça. Donc, s'il y a un problème qui arrive en Israël, c'est toi. Vous avez gâté le fondement. Vous vivez sur un mauvais fondement. Donc, c'est vous qui avez le problème. Il lui explique clairement quel était le problème. Le problème, c'est que vous avez quitté le fondement. Le fondement des commandements de Dieu et l'obéissance en un seul Dieu. Amen. Maintenant, voilà donc le problème. Voilà comment on quitte le fondement. Quand un principe est attaché par le Seigneur, il y tient le prix. On va toucher le cas de David tout à l'heure pour voir ce qu'il en est par rapport au fondement. Lorsque Dieu a dit quelque chose, et qu'on vienne désobéir. Vous pouvez faire 1000 ans. 1000 ans. Tant que vous ne rentrez pas là-dessus, vous ne marcherez jamais avec Dieu. Parce qu'il n'a pas... Si Dieu avait dit, vous posez ceci ici, avant de mettre ça ici, comme il a dit premièrement, ça doit être comme ça. Si plus tard, on renverse, vous dites, non, pourquoi le rouge doit être à gauche? On peut mettre là-bas l'essence, c'est que ça soit, que l'essence, c'est que ça soit sur la table. Il savait pourquoi il voulait que le rouge soit à gauche et le bleu à droite. Ça doit être comme ça. Amen. Quand le temple a été construit, ça a été construit d'après un modèle bien déterminé. Quand ça lui avait été montré sur la montagne, quand ça se construit, c'est comme ça. Si on, quand on a cassé le temple pour rebâtir, ça doit être comme ça. On ne dit pas tout simplement que non. Faisons ça maintenant désormais avec trois portes. S'il avait dit c'est quatre portes, ça doit être quatre portes placées en Orient, l'un à l'Occident, l'autre au Midi, l'autre dans le Septentrion. Ça doit être placé comme ça parce que c'est une représentation que Dieu a voulu faire. Donc jusqu'ici, nous comprenons que ces quatre de fondement, ça veut dire que, en ce qui concerne la parole de Dieu, ça veut dire ce que Dieu a dit dès le départ et on laisse pour faire autre chose. C'est ça, ces quatre de fondement. Et il faudra qu'on vérifie chaque fois le fondement. Qu'est-ce que Dieu a dit? Si les chrétiens posent cette vraie question, ils n'auront pas de problème. Parce que les gens suivent seulement Dieu comme ça. Oh, oh. Les gens qui naissaient sous Akab, quand ils naissaient, ils trouvaient une façon de faire. Ils continuent seulement à faire. Quand on te nomme à un poste, on dit que le roi a dit une façon de faire. Mais il doit y avoir un roi en Israël. Si vous lisez le livre d'1 Chronique et 2 Chroniques, il y a un roi qu'on appelle Josias qui va venir, il va amener une réforme dans Israël. Et il doit y avoir une paix terrible où Dieu va bénir le pays. Pourquoi? Tous les rois avant lui avaient rejeté le parole au point où personne ne lisait plus la Bible. Le rouleau que Dieu leur avait donné, la Torah, avait été jeté là-bas. On a détruit le temple. Le jour qu'on refaisait le temple, on nous fait le nettoyage. On a joué un rouleau. Ils ont vu Deutéronome chapitre 18. Ils ont lu les malédictions qui se écrivent là-bas. Oh, le secrétaire a amené dire au roi que roi, on a trouvé un rouleau là-bas. Les malédictions, ce que nous sommes de traverser, c'est écrit à l'intérieur. Quand le roi a lu, il a dit au secrétaire que lit. On a lu, il a dit que mais, le roi s'est levé, il a déchiré ses vêtements. Donc ça veut dire que le malheur vient sur nous à cause du fait qu'on n'a pas oublié la voix de Dieu. Il a amené que toutes les personnes soient en repentance. Ça a amené la paix. Vous voyez cela? Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est exactement ce qui est écrit. Donc, chaque fois, s'il y a un fondement qui a été renversé, Dieu ne met pas un autre fondement. Quand il a mis le fondement, c'est comme ça. Une génération d'Israël qui devait être là, devait respecter, c'est la première génération, devait respecter. Quand il quitte, ses enfants doivent respecter la même chose. Quand il part, les enfants doivent respecter la même chose. Dieu n'a pas deux lois pour Israël. C'est une seule loi. Et tous les enfants d'Israël devaient trouver cette loi-là et marcher d'après elle. Amen. Continuons, regardons. Verset 19. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui marchent à la table de Jézabel. Elle avait fait tuer tous les prophètes de l'Éternel. Elle avait 850 prophètes de Baal en Samarie. C'est terrible, n'est-ce pas terrible? Donc, le pays de Dieu était gouverné par des sorciers. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Verset 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la maison, à la montagne du Carmel. Verset 21. Alors, Élie s'approcha. Voilà maintenant la réponse du juste. Souvenez-vous des questions de Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? La réponse va sortir ici. Verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Donc, quand la Bible dit dans ce psaume chapitre 11, verset 3, le juste, que fera-t-il? Ça, la réponse est évidente. Le juste prendra la position pour le fondement. Le juste viendra au fondement. Parce que Élie ici n'est pas pour le désordre. C'est à cause de ces deux autres qu'il a quitté. Il ne voulait pas participer au faux avec le prophète, avec le roi. Pourtant, il avait une autorité au point. La preuve est qu'il cause avec le roi face à face. Il peut lui dire que ma part, quoi là-dedans? Trouve-moi une partie de terrain là-bas et construis ma maison. Je reste tranquille. Si les gens veulent une meurt. Mais il préfère aller dans le désert. Marcher dans le désert, au point c'est les corbeaux qui le nourrissent, il boit l'eau du torrent, ça finit, on l'envoie chez une veuve de Sarepta. Connaissez l'histoire là, non? Alors, quand il marche comme ça, là, de lieu en lieu, dans le désert, au point où il désire même mourir, Seigneur, ôte-moi la vie. Vous voyez, un vieillard en train de courir dans le désert comme ça, là, en plein désert, comptant sur le Seigneur, parce qu'il ne veut pas qu'on l'associe aux gens qui ont renversé le fondement des dieux. Il dit non, c'est pas moi qui trouve, c'est toi et la maison de ton père, donc je n'ai rien à faire avec votre désordre. Donc, le juste prend position pour la voie de la justice. Vous entendez ça, n'est-ce pas? Le juste prend position pour la voie de la justice. Et c'est ce qu'il a de vouloir faire à ces gens-ci. Il leur dit, jusqu'à quand clocherez-vous? Parce que quand tu veux les appeler Israël, ils disent que non, nous avons Dieu pour père. Abraham, Dieu va rendre Dieu, Dieu de Jacob. Mais dans la pratique, ils obéissent à des divinités étrangères. Vous me suivez? Attendez seulement qu'on va toucher le cadre chrétien. Vous êtes d'accord, non? Alors, lorsque Dieu dit, quand les justes, quand le fondement sera renversé, le juste, que fera-t-il? La réponse est évidente. La réponse, c'est que le fondement qui a été posé par Dieu, le juste doit y revenir. Et c'est ce qu'Élie en veut faire. Il veut faire la restauration de l'autel de l'Éternel. C'est-à-dire que le service qui était rendu, est jadis rendu à Dieu, d'après sa loi, soit restauré. Verset 22. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Quand la Bible dit, tout le peuple répondit que c'est bien, ça montre clairement qu'il y avait de l'obscurité sur le peuple. Ils voulaient voir, parce qu'ils savaient plus clairement quel Dieu. Ça veut dire que quand les fondements sont renversés, plus les divinités se mettent en scène. Quand les fondements sont renversés, plus les croyances sortent sur la scène. Au point où les gens sont embryonnés, ils ne savent plus quelle direction prendre. À cet instant, Dieu doit devoir se montrer. Vous voyez, verset 25, Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le en premier car vous êtes les plus nombreux et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Il prit le taureau qu'on leur donna et le préparait. Et ils invoquaient le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y a ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua de crier à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, où il est occupé, où il est en voyage, peut-être qu'il dort. Maintenant, pour aller faire ces choses-ci, il faut que dès le départ, tu sois avec Dieu. Parce que le chapitre 18, verset 1 dit, la parole de l'Éternel, bien des jours s'écoulaient et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la troisième année, va, présente-toi devant Acab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Donc, Élie avait une rencontre avec le Seigneur. Il savait ce que Dieu lui avait dit, mais personne parmi eux ne savait pas. Ils pouvaient s'asseoir là-bas avec l'assurance que Dieu va faire quelque chose. Le juste a une relation avec le Seigneur. Alors, au milieu des troubles, il peut s'asseoir tranquillement, sachant en qui il a cru. Alors, lorsqu'il faisait dire que votre Dieu, peut-être il s'est dormi, il est allé en voyage, ou bien on l'a invoqué de l'autre côté en disant que le soir, qu'il est occupé là-bas, quand il va finir, il va venir, vous continuez à crier encore plus fort qu'il entend. Verset, mais oui, et il crie à haute voix. Donc, quand il a mis du conseil, on continue à crier. Waouh, bah! Répond non. Et il se fit des incisions, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coulait sur eux. Lorsque midi fut passé, il prophétisait jusqu'au moment du soir de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut voix, ni réponse, ni signe d'attention. Et il dit alors à tout le peuple, écoutez très attentivement, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et il dit, rétablit l'autel de l'Éternel qu'il avait renversé. Amen. Élie rétablit l'autel de l'Éternel, il a construit, il l'a déposé. Puis, il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Nous voyons que Israël est bâti sur le fondement des 12 tribus. Cela, c'est vrai, Baal ne veut pas avoir la révélation que pour bâtir, pour invoquer, il faut d'abord bâtir les autels avec les 12 pierres représentant les 12 peuples qui ont été dispersés, qui ont des problèmes avec Dieu. Mais ça, il faut que Dieu ait par révélation donnée à celui qui est juste. Et il bâtit, verset 32, et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils en firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. On verse l'eau. Pourquoi on ne dit pas qu'il y a eu du cache là-bas? On a tapé que l'eau est tombée. Pour que ça mouille bien. Verset 33, l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète s'avança et dit, écoutez très attentivement, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Donc il a reçu une parole que Dieu lui a dit qu'il va faire. Réponds-moi, Éternel, réponds afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Vous avez vu? Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pieds et la terre et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Dieu est venu de ramener le cœur du peuple au fondement. À partir de cet instant, on va zigouiller tous les prophètes de Baal. L'autel de l'Éternel est restauré. Israël va commencer à servir Dieu. Et c'est comme ça, chaque fois dans la mission d'Israël, jusqu'au prophète. Enfin, Élie va quitter la scène, ils vont encore tomber dans le péché. Jérémie va venir prophétiser, ils vont tomber dans le péché, ainsi de suite. Et chaque fois, quand le fondement d'Israël est renversé, parce qu'ils ont quitté la voie de Dieu, tous les prophètes qui viennent dire, rentrez au fondement, parce qu'aucune autre fondation ne peut plus être posée. Amen. Voilà pour ce qui est d'Israël. On peut aller dans le Nouveau Testament maintenant. Matthieu chapitre 28. Matthieu le chapitre 28. Matthieu le chapitre 28. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Matthieu chapitre 28, verset 19. Et 20. Ça dit. Les baptisant au nom du Père, oui. Du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Et enseignant-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Oui. Et voici, je suis avec vous. Voilà. On va se poser quelques questions ici, non? Ça c'est important. Nous sommes j'espère que quand vous étiez à la cuisine, vous nous entendiez. On va se poser beaucoup de questions ici maintenant et ça va nous arranger la situation. Ça c'est quand le Seigneur est mort, il est ressuscité, il était sur le plan de quitter la terre pour partir. Est-ce que le Seigneur sait que toi et moi, en quittant ce jour-là, est-ce qu'il savait que toi et moi, nous tous ici, nous serons assis ici aujourd'hui? Il savait ça, hein? Oui. Ok. Et il dit. Il doit donner l'ordre à ses disciples, il dit, je sais l'eau là, je crois que je ferai mieux de rester par ici là maintenant. Il dit, allez par tout le monde. Donc il les envoie dans tous les coins, le contraire sur la terre, n'est-ce pas? Il dit, allez par tout le monde et faites des nations les disciples. Donc le Seigneur Jésus-Christ connaît que ça doit être universel, ça doit s'étendre sur toute la terre. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Il dit, et enseignez, voilà sur le mot, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, nous nous retrouvons encore, comme Israël, dans un autre niveau d'enseignement, que les choses sont déjà prescrites. Pour Israël, on avait vu dans Deutéronome chapitre 4, que Dieu a donné la loi, et il a dit que vous avez veillé à faire tel que je vous ai donné. Ici, Jésus dit, il donne une mission aux disciples, aux apôtres, allez faire des disciples, les enseignants, ce que je vous ai prescrit. Il dit, et je suis avec vous tous les jours, c'est-à-dire chaque fois que vous allez faire ça, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, de là qu'il les envoie jusqu'à la fin du monde, on doit enseigner ce qu'il a prescrit. Et ce qu'il a fait prescrit, voilà la fondation. Dieu n'a pas laissé les gens libre cours de faire n'importe quoi. Il leur a dit, enseignez quoi? Ce que je vous ai prescrit. Ok, il les a prescrit ça. Quand il leur a prescrit cela, ça veut nous dire que voici ce que vous avez à enseigner. Donc personne ne doit plus donner notre enseignement en dehors de cela. D'accord? C'est ça, c'est là où nous sommes. Il n'y a pas de problème. Ça se trouve là maintenant. D'accord? On avance. Comme pour les juifs, on a vu des exemples dans la Bible, c'est que les gens doivent faire. Dieu n'a pas laissé les gens innocents. Les disciples n'ont pas dit, Seigneur, tu parles de quel enseignement? Ils n'ont pas posé de questions parce qu'ils savaient ce que Dieu leur a donné. Maintenant, dans Jean chapitre 14 jusqu'au chapitre 16, je vais vous raconter beaucoup de choses parce que vous les avez lues dans la Bible. Quand il dit, ça vous venez à mémoire. Quand il est resté là-bas, les 17 mêmes disciples là, ils vont dire, je crois que tu fais, il reste plus ici. Comme ça, vous voyez tous, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il va dire dans Jean chapitre 14? Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et vous les donnera. Tout ce que le Père a est à moi et tout ce que j'ai est au Père. C'est pour ça qu'il dit, il prendra de ce qui est à moi et vous les donnera. Donc, il y aura la complète, Dieu va compléter l'enseignement en éclairant par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est censé venir réexpliquer en profondeur et avec clarté ce que le Seigneur Jésus a donné, grosso modo. Vous avez moi? Oui. Donc Jésus-Christ, s'attend à ce que, et il a promis cela, que le Saint-Esprit va venir pour les accompagner, pour les enseigner, afin qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas d'amalgame dans leur enseignement. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donc ça suppose qu'il y a certaines choses qu'il ne peut pas leur dire. Et il a dit que c'est quand le Saint-Esprit va venir qu'il va se charger de leur dire cela. D'accord? Mais dans Galates chapitre 1, Galates chapitre 1, non, c'est pas encore, on en est arrivé au fondement, parce qu'il faut qu'on aille doucement. On a quitté l'Ancien Testament, on a touché le Nouveau Testament. Galates chapitre 1, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. Verset 11, oui. Jusqu'au verset 16. Oui. Vous y êtes? Voilà, maintenant, je vais vous expliquer ce qui est écrit là-bas, pour vous, en attendant, vous allez le voir. L'apôtre Paul explique dans son ministère, il dit que vous connaissez comment je me comportais. Oui, il explique là pour qu'on avance rapidement. Mais je veux comment vous, pendant qu'il explique, vous ayez ça devant vous. Il dit, vous savez comment je me comportais dans le judaïsme, comment j'étais plus avancé dans le... Avant, ah, c'est toujours l'eau qu'elle boit comme ça. Non, ne la dérangez pas. C'est grâce, ça s'appelle grâce. Il dit, vous savez combien je me comportais dans le jardin, comment j'étais plus zélé que dans ses frères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le Saint-Matin, de me montrer à lui son fils, tu y es mon frère, tu as vu quoi cela, de me révéler à lui son fils Jésus-Christ, je ne montre point en ceci pour faire quoi que ce soit. Il dit que c'est par révélation qu'il a écrit ces choses-là. Il dit, l'évangile que je vous ai annoncé n'est pas de moi, n'est pas d'un homme, parce que je ne l'ai reçu d'un homme, ni par une connaissance ou quoi que ce soit, mais c'est par révélation de la part du Seigneur. Ça me pousse à poser une question. Pose la question. Comme vous vous prêchez là, oui, c'est par révélation. Non, c'est différent. C'est différent. Eux. Allons dans le chapitre 20 de Exode, d'Actes des Apôtres. Tu vas voir en quoi c'est différent, d'accord? Actes des Apôtres. Ouvrons Actes des Apôtres. Excuse-moi de poser la question. Non, je sais que... pourquoi tu poses la question. Actes des Apôtres. Ton nom est le Seigneur. Tu sais ça, non? Actes chapitre 20. Va voir. Vous êtes à chapitre 20. Actes chapitre 20. Actes des Apôtres chapitre 20. Je vais dire, attendez, il faut que le frère trouve là. Actes des Apôtres chapitre 20 rapidement. À partir du verset 17. Je sais exactement ce que. Comme nous sommes en train de parler, on va corriger le fondement chaque fois. Cependant, des millaires, l'apôtre Paul, à partir du verset 17. Cependant, des millaires, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité et avec l'âme et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui, écoutez bien, que je suis pur du sang de vous tous. Et il dit, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. C'est là où je voulais en venir. Chapitre 1 de Galates, on a lu tout à l'heure, il dit, l'évangile qu'il a prêché, n'est pas d'un homme. Il n'a pas appris quelque part. Il n'a pas resté avec les apôtres. Ils ont dit, qu'est-ce que Jésus avait dit la dernière fois? Pourtant, Jésus, dans Matthieu 28, a dit, il avait 11 disciples qui étaient devant lui, 11 apôtres. Il leur a dit, entrez à ce que prêchez ce que je vous ai enseigné. L'apôtre Paul ne marchait pas avec Jésus. Mais il enseigne point par point ce que le Seigneur Jésus a fait. Mais c'est quand même terrible. Et il dit que personne ne s'est assis avec lui pour lui dire que Jésus avait fait telle chose. Dans le chapitre 11 de 1 Corinthiens, il dit, car j'ai appris du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que dans la nuit où il fut livré, pris du pain, il était présent. Qui lui a dit? C'est le Seigneur qui lui a dit par révélation, il lui a montré exactement ce qu'il a fait point par point pour qu'il puisse être en accord avec les autres disciples qui étaient premiers. Vous voyez? C'est ça la vraie révélation. La vraie révélation ne contredit pas la révélation première donnée par le même esprit. la vraie révélation venant de Dieu ne contredira jamais autre révélation donnée par ce même Dieu-là. Donc tu ne peux pas venir me dire que Dieu m'a dit telle chose concernant un sujet, comme les gens font aujourd'hui au milieu de l'église. Dieu m'a montré que tu es ma femme. Entre temps, une autre personne dit à cette même femme-là que Dieu m'a montré que tu es ma femme. Quatre personnes disent Dieu m'a montré que tu es ma femme. Non, non, il dit qu'il sait où tu as d'aller. Pourquoi tu as posé la question? Il faut qu'on corrige le fondement en faisant. Donc, voici la différence entre eux, les apôtres que nous sommes des lits dans la Bible, si, et nous. Voici donc là, le niveau. Le niveau, c'est ceci, c'est que, lisons, 1 Corinthiens chapitre 3. Hein. Ouais, pourquoi l'autre jour vous avez posé la question et j'ai esquivé doucement parce que c'est profond. C'est profond. On ne peut pas faire ça quand les gens sont fatigués. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 3. Lisons à partir du verset 9 maintenant. Je vais lire à partir du verset 9, regardez. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Écoutez bien. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé. Non, regardez bien. J'ai posé quoi? Le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ok. Non, ça va poser problème. Il va bien vous parler maintenant. Vous êtes d'accord à même qu'on parle? Oui, il faut parler, frère. Voilà. Maintenant, nous trouvons d'abord un, dans Actes des Apôtres, chapitre 20, l'apôtre Paul nous explique qu'il lève les mains devant Dieu. Il dit que je suis pur devant Dieu. Ça veut dire que si pas quelque chose vous arrive, ça vous engage. Il dit, parce que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans à rien cacher. C'est vrai, on dit que tout ce que Dieu a dit à l'apôtre Paul de dire pour que l'église soit édifiée et soit posée sur un bon fondement, il leur avait déjà donné. Nous sommes d'accord. C'est vrai, on dit qu'un pasteur vient aujourd'hui pour dire voici une nouvelle révélation que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas contenu dans la Bible, c'est un menteur. Parce que Dieu a déjà donné tout ce qui est nécessaire pour l'église. Tout. Voilà. Maintenant, alors si Dieu a donné ça, et l'apôtre Paul dit ici dans 1 Corinthiens là que ils étaient, lui particulièrement, étaient les premiers à poser. Dieu lui a donné la grâce de poser le fondement. Et il a dit que la suite, et il sait très bien qu'il va quitter la scène parce qu'il a dit que je sais que vous n'allez plus voir mon visage. Mais prenez garde à la façon dont vous allez faire. Prenez garde. Il dit, prenez garde à la façon que vous vous bâtissez dessus. Il peut avancer. Ok. Ne vous occupez pas de laisser là faire ces grâces et grâces là maintenant. L'apôtre Paul dit que selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Que chacun prenne garde la manière dont il bâtit dessus. Remarquez bien ce qu'il dit. La manière dont il bâtit dessus. Car aucun autre fondement ne peut plus être posé. Ça veut dire que, ça veut dire, en commençant à toucher maintenant par ici, ça suppose que, comme l'église du Nouveau Testament a vécu, on doit continuer comme ça. Cette maison, si nous sommes au deuxième étage, ça c'est le premier étage ici. Deuxième étage, peut-être jusqu'à 5. Le fondement a été fait. On a continué comme ça. La personne qui est dans la maison qui est en haut là-bas a la même structure ici. C'est-à-dire que la même chose continue. Dans ces allées, c'est comme ça. Les autres appartements qui sont là-bas, de la même, c'est comme ça. Ça suppose que si on continue, premier étage, quelqu'un construit, il meurt, un maçon vient, il va continuer comme ça parce qu'il a vu le fondement. Il ne peut plus aller commencer à construire quelque chose en bas que non, faisons maintenant comme ça. Il ne peut pas renverser. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit continuer, c'est ce qu'il a trouvé. La fondation chrétienne a été posée. Il n'y a plus quoi que ce soit à inventer. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Là maintenant, on va commencer maintenant dans la Bible à avancer doucement, doucement. En vérifiant nos croyances à la lumière de la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 2. Tu as dit que la fondation chrétienne a été posée. Oui. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je vais prendre cette phrase. Oui. La fondation chrétienne a été déjà posée une fois pour toutes par les apôtres de notre Seigneur Jésus et définitivement. Il n'y a plus et il n'y en aura plus rien à ajouter jusqu'à ce que le Seigneur vienne chercher son église sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. D'accord? Éphésiens chapitre 2. Nous allons lire le verset 20. Qu'est-ce que ça dit? Il dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus étant la pierre angulaire. Il dit, non, ça va. Il dit que vous, les chrétiens, vous les chrétiens, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Édifiés, ça veut dire construit. Donc les chrétiens sont construits. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Donc, chaque fois qu'on va construire la maison, on va regarder ce que les prophètes et les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont fait d'abord. C'est comme ça que la maison s'est construite. C'est comme ça que la maison s'est construite. Alors, maintenant, nous trouvons autant d'Élie. Nous avons lu dans 1 Samuel, 1 Roi, chapitre 16 et 17. Sur quelle base il vient y mettre 12 autels, 12 pierres? Sur quelle base? Il a écrit notre Bible. Vous rentrez dans l'ancienne alliance. Vous allez voir dans Deutéronome, Exode, vous allez voir effectivement que quand il voulait traverser la rivière, on a pris 12 pierres, on a mis là-bas. Parce que c'est que d'abord dit, chaque fois quand Dieu va vouloir faire ces choses, c'est comme ça qu'il va faire. Il ne peut pas venir maintenant, il dit, ok, on met 13. Parce qu'il n'y a pas 13 tribus en Israël. Il ne peut pas mettre 11 parce qu'il n'y a pas 11 tribus. Il doit mettre combien? 12 pour rebâtir l'autel. Il ne peut pas mettre 7. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc chaque fois, quand il va falloir quelque chose, lui-même se réfère à ce qui est écrit. Longtemps après, quand Jérémie va venir, alors dans le livre de Daniel, le livre du prophète Daniel. Donc vous ouvrez Ézéchiel, puis vous ouvrez Daniel. Ézéchiel, prophète Ézéchiel, vous allez trouver directement Daniel après. Vous ouvrez Psaume, vous continuez. Daniel, tu y as trouvé mon cher? Avance, c'est devant. J'ai dit Daniel, n'est-ce pas? C'est devant. Après Ézéchiel, donc, Daniel. Daniel, chapitre 9. Daniel, le chapitre 9. Il vient à partir du verset 1, vous voyez. En fait, le prophète Daniel se trouve à Babylone, en captivité avec Israël, parce qu'une fois de plus, Israël avait désobéi. Nous allons lire quelque chose qui s'est passé. Daniel, chapitre 9, à partir du verset 1. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, écoutez bien attentivement, écoutez. Moi, Daniel, je vis par les livres. Je vis par les livres dont il a lu. Par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Qu'est-ce que Daniel? Daniel, un prophète, a vu. Il a aussi lu la Bible. Il a vu que, ah, Dieu avait dit par la bouche du prophète Daniel. C'est ce qu'il a dit du prophète Jérémie, pardon. De la bouche du prophète Jérémie. Que c'est 70 ans qui est marqué pour la captivité. Il se rend compte qu'il est en train de s'approcher déjà de 70 ans. Qu'est-ce qu'il fait? L'esprit d'intercession vient sur lui. Continuons voir. La Bible déclare, j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel mon Dieu. Ça c'est injuste. Le fondement était renversé. Ils sont allés en captivité. Vous voyez, n'est-ce pas? Ils sont allés en captivité. Puis il dit, j'ai prié, verset 4, l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. On se souvient de ça, n'est-ce pas? Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous sommes détournés de tes commandements. Le fondement était quoi? Renversé. Verset 6. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le pays, peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confession de face en ce jour. Aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin dans tout le pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Écoutez le verset 10. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Vous avez vu ce qui se passe? Donc, tant qu'ils ne reviennent pas à ces fondements, ils vont rester dans la captivité. Il faut confesser. Il fait quoi? revenir. Donc ça veut dire que chaque fois que le fondement est renversé, le juste doit faire qu'on revienne dans la fondation. Voilà. Donc nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Nous voyons que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, que nous avons lu aujourd'hui, verset 9 à 11, qu'il a donné, il a de, la grâce lui a été donnée de poser la fondation comme un chef architecte. Il a prévu que personne ne doit y bâtir quoi que ce soit. J'ai envie d'Actes chapitre 20 qu'il a dit aux anciens d'église que la fondation qu'il a donnée, il a donné tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Donc quelqu'un ne doit pas dire que tel sujet de l'église, tel sujet qu'on trouve sur la terre, on va faire comment? Dieu a résolu le problème ici. Il a résolu le problème avec ses propres mots. C'est celle-là qui est en train d'aspirer le parfum. J'espère qu'il n'y a pas le parfum là-dedans. On avance là. Et on a vu que la première fondation pour l'église chrétienne, c'est que Jésus avait dit à ses propres disciples-là d'enseigner ce qu'il a prescrit. Et on voit qu'il donne la révélation à son apôtre en disant que voici les fondations, posez cela. Et il nous rassure dans Ephésiens chapitre 2 que nous avons lu le verset 20, que vous les chrétiens, nous les chrétiens, nous sommes édifiés sur le fondement. Donc notre vie est construite sur le fondement. Donc en tant que chrétien, vous et moi, si quelqu'un veut me prêcher n'importe quoi, tu vas dire montre-moi où c'est écrit. C'est ça comme ça. Comprends ça, hein? Que montre-moi où c'est écrit. Est-ce que dans Actes chapitre 11, les chrétiens de Bérée ne disent pas comme ça? Oh, j'arrache. C'est pas comme ça. Ils examinaient chaque jour pour voir si ce que vous lui dites, c'est écrit dans les Écritures. Ils savent que les Écritures, on n'a pas bougé. Amen. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 18 et 19, la Bible déclare, je le déclare à quiconque entend les paroles des livres de ces prophéties. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ces livres. Si quelqu'un retranche quelque chose, Dieu retranchera sa part d'eau et l'arbre de vie qui est écrit dans ce livre. On avance là maintenant. Voilà. Donc, ça veut dire que la base chrétienne, c'est les saintes écritures. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 dit que toute écriture est expirée de Dieu. Théonosis est expirée, le souffle de Dieu. Est expirée de Dieu, il est utile pour corriger, pour enseigner, pour exhorter, afin que l'homme de Dieu soit prêt à toute justice. Donc, quel qu'en soit ce qui arrive, qu'est-ce que je dois faire? Ça veut dire que je dois vérifier dans les Écritures si l'Écriture enseigne ça, oui ou non. On avance. Première fondation chrétienne. Allons dans Hébreux chapitre 2. Regardons dans Hébreux chapitre 6, verset 1 et 2. Regardons les fondations chrétiennes. Est-ce que ça n'a pas fini là maintenant? Hébreux chapitre 6, verset 1 et 2. Hébreux chapitre 6, verset 1 et 2. Oui. Tendons à ce qui est parfait. Oui. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Continue. De la foi. En Dieu. En Dieu. Deux. De la doctrine des baptêmes. Trois. De l'imposition des mains. Quatre. De la résurrection des morts. Cinq. Et du jugement éternel. Six. Voilà le fondement. Bon. Voilà le fondement. Donc, dans la base de la vie chrétienne, on doit enseigner ces choses-ci. On doit enseigner ça. Quand on a fini d'enseigner ça, appelons temps à ce qui est parfait. Renoncement aux œuvres mortes. Jésus, maintenant, chaque fois maintenant, quand les apôtres vont dire quelque chose, on va vérifier si Jésus a dit cela. Si vous lisez le livre de Luc chapitre 9 et Luc chapitre 14, à partir du verset, Luc chapitre 14 particulièrement, à partir du verset 25, vous y avez moi, dans Luc chapitre 14, à partir du verset 25, oui. La Bible déclare, si vous lisez le chapitre 14 de Luc, verset 25 à 33, à 34 même, la Bible déclare, le Seigneur Jésus-Christ, le grand foule faisait route avec Jésus-Christ à Jérusalem. Il se tourna vers ceux qui le suivaient et dit, si quelqu'un veut venir à moi et qui ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ainsi de suite, ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, monsieur, ne peut pas être mon disciple. Ici, l'apôtre Paul dit dans Hébreux chapitre 6, verset 1 que 1, renoncement aux œuvres mortes. Vous voyez, et au verset 33 du chapitre 14 de Luc, le Seigneur Jésus dit que, ainsi donc, quiconque n'ait pas sa fille dans sa vie ne peut pas être mon disciple. Donc, il y a le principe du renoncement d'abord. Le principe du renoncement, donc, le renoncement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois te séparer de quelque chose. À haute voix. Oui, je suis d'accord. Quand il parle, tu ne peux même pas être autrement que d'accord. C'est dans la Bible. Quand il parle de porter sa croix, j'aimerais que tu aies. Il y a un enseignement sur ça, 4 enseignements qu'on a fait à la radio, c'est ce Bamba Iba. Sinon, je vais encore faire les mêmes 4 encore qu'il y a fait là-bas. Ah, d'accord. Okay, c'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement, c'est 4 éditions qu'on a fait. Donc, quand on veut dire porter sa croix, ça ne veut pas dire qu'on porte des croix de catholiques. On a des récits, ça n'a rien à voir, d'accord. Donc, alors le Seigneur dit dans ce livre de Luc, chapitre 14, verset 25 à 33, il dit le principe du renoncement est enseigné là-bas. En fait, tout ce que les disciples ont enseigné en détaillant. Parce que Jésus-Christ parlait en parabole. C'est-à-dire, il parlait codé. Mais on dit qu'à ses disciples, de façon spéciale, il leur expliquait ce qui était dit. Si vous lisez maintenant, il y a une série d'enseignements dans le livre de Luc au chapitre 6 et de Matthieu chapitre 5. On parle heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les affligés. Heureux serez-vous quand on dira des choses de vous. Voilà. Voilà. On appelle ça les béatitudes, n'est-ce pas? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand vous lisez ça, vous dites heureux ceux qui ont le cœur pur dans Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand tu lis ce que Jésus-Christ dit, c'est quoi donc avoir le cœur pur? Comment avoir le cœur pur? Pour comprendre l'explication, tu vas lire ce qu'il a dit à ses apôtres. Ce que ses apôtres ont enseigné. Vous allez voir effectivement si le cœur pur, vous avez le cœur pur. Parce que si vous lisez seulement ce que Jésus a dit, vous ne comprendez jamais. Il parlait codé, les enseignements. Maintenant, il parle par le Saint-Esprit pour que les apôtres puissent détailler ce qu'il a enseigné. D'accord, mes chers frères? Maintenant, un de ces enseignements, il dit ceci. Vous dites, j'aime le Seigneur. 1 Jean chapitre 3, verset 17 à 22, dit ceci. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Puis il dit, petits enfants, n'aimez pas en parole seulement, mais avec action et vérité. Donc cette personne, ce n'est pas un cœur pur. Vous voyez, parce que c'est avec le cœur pur, c'est un cœur plein d'amour, celui qui a compris le Seigneur et qui vit avec le Seigneur. Et la Bible déclare que comment peux-tu dire que tu aimes ton frère, que tu aimes ton frère que tu ne vois pas? Alors que Dieu, que tu ne vois pas, tu dis que tu l'aimes trop. Seigneur, je t'aime. Et ton frère à côté de toi, physiquement, tu ne parviens pas à l'aimer. Il dit ça, ce n'est pas l'amour pur. Pas vrai? Donc, en détail, les développements que le Seigneur avait donné, les codes qu'il avait donné, les apôtres en ont enseigné. Point, partout ça se trouve. Donc, les apôtres ont effectivement fait ce qu'il en est de ça. Maintenant, la chose qu'il nous a dit, c'est qu'on ne doit rien y ajouter. Les enseignements qu'on doit enseigner, c'est ça. Ils ont reçu la révélation de ce qu'on devrait faire. Par exemple, la première prédication de la Bible, des chrétiens, de l'ère chrétienne, la première prédication, Actes chapitre 2, lorsque l'apôtre Pierre a parlé, prêché, le verset 37 de Actes chapitre 2, à partir du verset 37 jusqu'au verset 41, la Bible déclare, ceux qui ont entendu, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils disent aux apôtres et aux frères, hommes frères, que ferons-nous? L'apôtre Paul n'a pas dit que consultons-nous. Tu penses qu'on peut leur dire quoi? Vous voyez, on a posé la question. Ils étaient 11, ils se sont levés là-bas. 120 personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit au point où ils sentaient la chaleur. On a dit, homme frère, ok, tu as exposé qu'on a tué le prince des saluts. Tu as dit qu'on a crucifié notre Messie. Qu'est-ce donc qu'il faut faire? Ça, la question là n'était pas écrite quelque part, que si on pose des questions, la réponse est telle chose. Mais le Seigneur leur avait dit que quand vous serez debout, si on pose une question, ne préméditez pas votre réponse. Parce que ce que vous allez parler sera dit par le Saint-Esprit. Il s'est tenu là-bas. Il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur de Dieu les appellera. Ça, c'est la première fois qu'on entend ça sur la terre. D'où est-ce que ça venait? Les lettres de l'Esprit. Or, voilà la première prédication chrétienne, la première prédication. Comment se fait-il que l'apôtre Pierre, qui n'a pas fréquenté, qui était un pécheur, on lui pose la question, il donne la solution instantanément. Et cette solution instantanément est placée dans la Bible comme référence du fondement. Ok, maintenant, je suis debout. Pour rencontrer quelqu'un qui était un voyou, un voleur. On dit, mon cher, tu dois te repentir. Parce qu'on a dit dans Hébreux chapitre 6 là-bas qu'il y a le renoncement des œuvres mortes, de la repentance, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, du jugement dernier. Parce que si tu ne fais pas cela, il y a un jugement qui nous attend. Je dois t'enseigner qu'il y a le jugement qui nous attend. Sinon, tu vas aller en enfer. Si la personne te pose la question, homme frère, dans ce cas, qu'est-ce qu'il doit faire pour éviter le jugement et aller en enfer? Je ne peux plus inventer quoi que ce soit. Parce que cette même question avait été posée à l'apôtre Pierre dès le départ. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit, acte dit, repends-toi et que tu sois baptisé au nom du Seigneur Jésus. Point final. Parce que la fondation est là. Je ne peux plus dire maintenant que cherche un marin et un parrain. Tu cherches 5000 francs CFA. Tu achètes le carte de baptême. Tu coûtes ton habit blanc. Il y a le DJ là-bas qui est proche de l'église. Tu l'invites pour le baptême, la cérémonie de baptême. Ça, c'est la sorcellerie. L'apôtre Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, on entre dans l'église par la nouvelle naissance. Pas autrement. Mais qu'est-ce que l'église chrétienne fait aujourd'hui? En venant... Comment tu dis à ton voisin, viens avec quelqu'un la prochaine fois, tu viens avec quelqu'un. Viens te attirer votre ami à l'église. Ce n'est pas la nouvelle naissance. On cherche de l'argent pour que l'argent entre. On commence à parler des dîmes. Touchons la dîme maintenant un seul instant. On commence maintenant on commence à dire aux gens que okay, vous devez payer votre. Sachez que si vous ne payez pas la dîme, selon Matthieu chapitre, Malachie chapitre 3, verset 10, c'est que tu as volé Dieu, tu es un voleur. C'est pour ça qu'il y a une malédiction sur vous. Vous avez lu la Bible qu'un chrétien. On y va. Venez pas ici, donc venez écouter ça. Ta soeur dit que viens écouter ça. Même si la mamie vient de brûler, tu laisses. Mm-hmm. Alors, souvenons-nous de ceci. Oui. Elle est partie. Elle est partie déjà. Ok. Ok, c'est bon. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut dire à mon bébé ici? Je vais vous expliquer. Le régime. Quelle était la transition? On va. Ne t'écoute pas. Toute question biblique aura. Toute question biblique aura une réponse biblique. Oui. Non, laisse-le tranquille, ne vous occupez pas de lui. On a dit qu'on domine sur tous les animaux. Que tu te concentres sur lui, il devient important. Faites ce qu'on a à faire. Oh là là. Waouh, mon bébé. Chérie, le bébé veut te voir. Laissez-la, laisse-la, elle monte sur le bébé. Chérie, tu comprends vraiment? Oui. Merci, deux autres questions. Oui. Le sang de Jésus. Il y a un lancement sur ça, le feu de Dieu. Comment prier avec le feu ou avec le sang de Jésus? Il y a un lancement sur ça. Le feu, le lancement. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Invoquer le Saint-Esprit. Invoquer le Saint-Esprit. Ce n'est pas normal. C'est pas réflexe. Il faut nettoyer ça. On ne peut pas. Est-ce qu'on peut quand même dire, Seigneur, que ton feu soit dans ma maison? Quel feu? Si tu vas faire comment? Donc, on va voir tout cela, d'accord? Ce sont les fondements qui ont été renversés. On doit corriger. Donc, on peut continuer ici ou bien faire comment? On attend. Une pause. Bon, non, on peut parler. Je comme ça, elle va perdre ça. Tu as la famille, non? Merci pour la visite. Au revoir. Que Dieu bénisse, madame. Voilà, voilà, bébé qui te dit au revoir. Bébé te dit au revoir. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Voilà. Donc, on va continuer avec les dîmes en attendant. Donc, en réalité, pour ce fondement-ci, il faut vérifier d'où chaque doctrine est venue. Comment c'est entré, et chaque fois la référence sera, est-ce que les apôtres ont enseigné? Est-ce que les apôtres ont enseigné ces choses-ci, d'accord? Où est notre soeur, là? La soeur Cyril? Oui, je suis là. Maman, elle est. Alors, on dit donc que quand tu vas toucher, quand tu vas travailler, 10% c'est pour Dieu. Que ton salaire, 10% c'est pour Dieu. Alors, vous posez la question, est-ce que ça se trouve dans le nouveau testament, sur la nouvelle alliance? Parce qu'il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et sur la nouvelle alliance, est-ce qu'il est instauré le système des dîmes? La réponse est fatalement non. Ça se trouve nulle part. Parce que moi, quand j'ai vu la Bible, oui. La dîme n'était pas les moyens financiers. Oui, c'est ce que la Bible dit. C'était la nature. Les choses du champ. C'est ce qui est écrit. Comment? La transition a eu lieu. La transition a eu lieu par Simon par Cyprien de Carthage. On avance. Il peut avancer. Bon, de toute façon. Voilà. Bon, de toutes les façons, donc ça, on a de vérifier les fondements. Parce que la question, c'est quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Donc, on voit effectivement que voici donc. Donc, elle rime même. Écoutez très attentivement encore. Si on avance sans comprendre bien ces principes-ci, on aura beaucoup de problèmes. Voici la façon de fonctionner. Chaque fois qu'on va vouloir poser des questions, on va dire, si je paie par exemple la dîme, je veux qu'on me montre que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont enseigné ça. Parce qu'on nous a dit, votre enseignement est basé sur le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul a dit, le fondement a été posé une fois pour toutes, on ne peut plus poser n'importe quel fondement. Et l'apôtre Paul a bien expliqué que, ce fondement-là, c'est définitif, parce qu'il a annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Alors, on regarde, est-ce que dans tout le conseil qu'il a enseigné, il y a le dîme là-dedans? S'il n'y a pas de dîme dedans, ça veut dire que ça ne concerne pas les chrétiens. Dieu ne veut pas, il n'a pas imposé de dîme aux chrétiens. Il n'y a aucune dîme que les chrétiens doivent payer. C'est bien compris? Donc, ça veut dire que si un pasteur vient te dire, si tu travailles, tu dois donner 10% à Dieu, c'est un menteur, parce que Dieu n'a pas dit cela. Parce qu'il a dit qu'on n'y ajoute rien. Et tout ce qu'il avait à nous dire, il a donné à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul l'a expliqué en disant que j'ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Et s'il n'a pas caché quelque chose, un pasteur veut aussi vous dire que la dîme est pour notre dispensation. On peut toujours payer, c'est un menteur, celui qui est menteur, parce que le fondement n'est pas ça. D'accord? On peut avancer. on peut avancer. Mais qu'à ce qu'on sera, que devons-nous faire? Mais c'est ça qu'on a dit de répondre. On a dit que quand le fondement est renversé, le juste qui fera-t-il? Le juste retourne à la fondation. On a vu ça avec Élie, non? Mm-hmm. Voilà Daniel qu'on a vu dans Daniel 9, il était allé retourner à la fondation. Donc quand la fondation est renversée, si le juste voit n'importe quoi, il dit je m'en tiens à ce que la fondation a dit. Je m'en tiens à ce qu'on dit à la fondation. D'accord? Nonobstant ce que tous les autres peuvent dire. Mais le problème c'est que quand les gens renversent des fondations, généralement ils sont nombreux. Dans le cadre d'Élie, nous avons vu effectivement qu'en Israël, il y avait plus de prophètes de Baal que de ceci. Donc tous ceux qui font le faux, on a renversé. Maintenant, on va avancer. Vous avez moi. Ah, ces mouvements, c'est alors qu'on a été touché du point vraiment essentiel. Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Le livre du médecin. Luc. Luc, le chapitre 3. À partir du verset 1. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode Tétraque de la Galilée, son frère Philippe Tétraque de l'Iturée, et du territoire de la Trachonite, Lysanias Tétraque de la Bilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Isaïe. Le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline sera abaissée, et ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanés, et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc, écoutez bien, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous le déclare, je vous déclare que de cette pièce, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous faire? Tu as vu cela? Donc, chaque fois, la question s'est posée. Parce que là, c'était embrouillé. Et le Messie était à la porte, il devait venir. Alors, il pose la question, que devons-nous faire? Il se pose la question maintenant devant le juste. Qu'est-ce qu'il répond? Il a répondu que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Où est-ce que Dieu est en train de demander? Or, ces choses ne sont pas nouvelles. Vous allez dans Deutéronome chapitre 10, chapitre 16, chapitre 8, Dieu a déjà écrit ça là-bas. Il a donné la façon qu'il devait vivre avec les veuves, comment il devait vivre avec les orphelins, avec les étrangers, avec son voisin, avec ceux qui sont pauvres au milieu d'eux. Mais ils avaient abandonné ça pour faire autre chose. Les riches devenaient beaucoup plus riches, les pauvres devenaient beaucoup plus pauvres. Jean-Baptiste voulait dire quoi? Vous ne pouvez pas dire que vous obéissez au commandement de Dieu qui dit « Aime ton prochain comme toi-même », alors que tu vis dans le luxe, il vit dans la perdition. Ça ne marche pas comme ça. Et il dit, verset suivant, il vint aussi des publicains pour être baptisés par lui. Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Vous avez vu cela? Voilà donc ce que Jean-Baptiste a annoncé. La pratique des œuvres dignes de la repentant. Tu ne peux pas dire que tu t'es repenti et tu es soldat, tu continues à extorquer les gens, tu voles, tu fais les corruptions comme les autres policiers font. Donc il fallait quitter cette voie-là pour mettre dans la voie de Dieu. Or, tout ce qu'il a annoncé ici était écrit dans la loi. Tu as vu ça, n'est-ce pas? Et par conséquent, il a envie de ramener les gens à un fondement. Les apôtres avaient un fondement qui était Christ, qui prêchait dès le départ. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, allons-y maintenant, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Vous y êtes? Voilà. Verset 1 et suivant, qu'est-ce que ça dit? À haute voix, frère. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme, c'est aussi par lui que vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je voulais annoncer autrement, votre foi aurait été inutile. Alors, ça veut dire que, comme il a annoncé, il s'attend à ce qu'on retienne cette chose-là, dans ce thème-là. C'est pour ça que dans Galates chapitre 1, verset 6, 7, 8 et 9, ils disent particulièrement que comme on a reçu Christ, qu'on demeure en lui. Et qu'ils disent que ça parce qu'il y a des gens qui vont venir pour tenter de renverser l'évangile de Christ. Et il annonce, selon le conseil, il annonce en disant que quand bien nous-mêmes, ou un ange du ciel viendra, j'en ai cité Galates chapitre 1, verset 8 et 9 maintenant. Quand bien nous-mêmes, ou un ange du ciel, annoncerait un autre évangile, autre que celui que nous avons annoncé. Et regarde bien ce qu'il dit. Il n'a pas dit, quand un ange annoncerait un autre évangile, autre que ce que j'ai annoncé. Il dit que ce que nous avons annoncé. Il parle de nous en se mettant à la place avec les apôtres. Il dit, qu'il soit anathème. Il dit, je le déclare. Je le redis encore à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile autre que ce que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Donc, l'apôtre Paul veut dire l'évangile qu'ils ont annoncé. Parce qu'au chapitre 11, 15 ici, le verset 11 dit, le chapitre 15 qu'on a lu tout à l'heure, le verset 11 dit que ce soit eux, que ce soit nous, voilà ce que nous annonçons et c'est ce que vous avez cru. Donc, l'évangile que les premières personnes ont cru, c'est le même évangile qu'on va annoncer. Tout le monde croira à ce même évangile jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est-à-dire, le fondement ne doit pas être bougé. Si donc le fondement a été bougé, et que les gens en train de croire à une autre chose aujourd'hui, ça ne va pas pour autant pour dire que Dieu va accepter ce qu'ils ont en train de croire, parce que c'est sa parole qui est vraie. Chaque fois qu'Israël a été en captivité, c'est parce qu'ils n'ont pas cru à la parole. Et pour que Dieu travaille avec eux, ils devaient revenir à la fondation. C'est pas Dieu qui va dire, ok, je laisse quand même la fondation, c'est comment fonctionner avec vous là-bas dans cette direction. Non, c'est vous qui devez revenir à la fondation, parce que là-bas, c'est que vous marchez comme ça, on marche ensemble. Vous ne marchez pas comme ça, on ne marche pas ensemble. Alors, ça veut dire que l'évangile est définitif. La parole du Seigneur est définitive et on doit y s'y conformer. Amen. Quand le fondement est renversé, le juste de la nouvelle alliance doit revenir à la fondement, au fondement des apôtres et des prophètes. Dans le Nouveau Testament, tout réglé. Que ce soit de la famille, en passant par le mariage, la façon qu'on va vivre avec ses finances, comment on va, tout est réglé. Jusqu'à ce qu'on puisse être préparé pour la venue du Seigneur Jésus. Amen. Dans la deuxième partie, donc, je vais toucher dans le cadre, dans les doctrines particulièrement, comment les chrétiens devraient vivre avec ces fondements-ci. Une pause s'impose à Casablanca. Une pause s'impose. Et qui s'oppose à la pause s'expose à une dose. Ne t'oppose pas, frère, à la pause. Ne s'oppose pas. À tout à l'heure. La pause. La pause.